avec les poignets me débattre. Cabas qui claque, tympan en débâcle. Pas de trace. Explosion, perte, fracas. Reste à croiser les doigts. Déjà compter les dégâts. Éviter les tracas. Ne pas ébruiter cet aléa. Ramasser miettes de cas. Prendre un air PA. Se sauver à petit pas. Sac trop plein qui craque. Pas de trace. Les courses sur le trottoir. En vrac. Avec les poignets me débattre. Cabas qui claque. Tympan en débâcle. Explosion, perte et fracas. Reste à croiser les doigts, déjà compter les dégâts, éviter les tracas. Allez, ne pas ébruiter cet aléa, ramasser une miette.